notre école. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. Bienvenue dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste, tous les premiers mercredis du mois à 16h30 sur le 895 de Radio Dio. On est le 4 mars 2026 et ce mois-ci, j'ai voulu m'aligner sur la thématique proposée par Radio Dio de lutter contre les idées nationalistes et discriminantes. J'aurais voulu aussi parler de féminisme et d'antimilitarisme à l'approche du 8 mars, mais ça mérite de plus amples lectures et rencontres. Et bien, c'est un peu pareil pour l'extrême droite. Donc, cette émission sera en forme de pot-pourri. On essaiera quand même de ne pas faire comme CNews, c'est-à-dire ne pas faire un ramassis d'anecdotes qui noie l'auditeur ou l'auditrice. Voyez plutôt cette émission comme un chantier en cours, des pistes à creuser, des idées qui s'ouvrent vers une meilleure compréhension de notre monde, comme des allers-retours permanents entre nos perceptions et la réalité. Car on le sait, c'est lorsque les idées s'arrêtent, lorsqu'elles se figent, lorsque tout ce qui est directement vécu s'éloigne dans une représentation, que naissent les idéologies, ce carcan froid, et que meurt l'humanité, dans le cercueil glacial des camps, dans l'enfer brûlant des bombes. Qui a dit que cette émission n'était pas celle de la joie de vivre? Alors que, précisément, elle s'arrime de toutes ses forces à la vie, aux fleurs, aux bourgeons des arbres, aux enfants bondissants. Appartient à ceux qui lui ressemblent, aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel œil ignore qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on tremble. Lorsque saigne et chancelle la jeunesse qui sale, fière et naturelle, et brille dans l'azur comme un lingot d'argent. Ces enfants bondissants partaient contents de plaire au devoir, à l'honneur, à l'immense atmosphère. Signaux humains brûlant sur les sommets, ces enfants bondissant partaient contents de pleurs. Ils dorment à présent saccagés dans la terre. ce qui lui ressemble. Aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire levait l'œil, ignore qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on tremble. Oh, guerrière nature, où sont ces jeunes gens? Quel est ton désespoir lorsque saigne et chancelle la jeunesse qui seule est fière et naturelle et brille dans l'azur comme un lingot d'argent? Ces enfants bondissants devoir à l'honneur, à l'immense atmosphère, aux grands signaux humains brûlant sur les sommets. Ces enfants bondissants partaient contents de pleurs. Ils dorment ta présence saccagée dans la l'âge où l'on ne meurt jamais, comme une dédicace à l'Auvergne et aux bourgeons qui bourgeonnent. L'orgasme apaisera le futur, anagramme de « faites l'amour, pas la guerre ». Avant de parler de l'extrême droite, je voulais rappeler une des genèses qu'on peut trouver comme début de date du 8 mars, de célébration du 8 mars. Une des genèses nous raconte que c'est le 8 mars 1917 que des milliers, des centaines de milliers d'ouvrières marchaient dans les rues de Petrograd, le 8 mars 1917, et que ça serait le début d'une révolution qui a surpris les bolcheviks, mais qui se sont empressés de la récupérer, hein, comme on sait. Mais même Trotsky dirait... plus hardiment que les hommes, les femmes s'avancent vers les rangs de la troupe, s'agrippent aux fusils, supplient et commandent presque. Et ça a surpris les bolcheviks qui pensaient que c'était pas le moment. Et en fait, des femmes qui réclament le pain, la paix et la liberté ont initié ce qui sera appelé plus tard la révolution russe. Mais pour revenir à ce qui est de l'armée et de l'extrême droite, c'est vrai qu'on peut trouver des militaires ou des ex-militaires dans pas mal d'orgas d'extrême droite. On pense par exemple aux tribunes des anciens généraux séditieux en avril 2021 qui rappelaient un petit peu l'OAS. Ou plus récemment, on peut penser à l'ex-général italien Roberto Vannacci, ouvertement raciste et homophobe, et qui est aussi eurodéputé dans le groupe Europe des Nations Souveraines. C'est le groupe dans lequel il y a Sarah Knafo, s'il y a besoin de préciser. On pense aussi au fait qu'on retrouve souvent d'anciens militaires ou d'actuels militaires dans des groupuscules violents. Les journaux regorgent d'anecdotes, justement, de faits divers qui relatent des bastons. Moi, j'en avais trouvé pas mal qui nous parlaient du Talion brestois, mais on parlera de Brest pour un autre énergumène. On peut voir aussi que quelques-uns sont partis combattre en Ukraine, sans toutefois se mettre d'accord entre eux pour savoir de quel côté du bas du front ils étaient. Et ouais, il y a des nazis parmi les combattants ukrainiens, hein, mais en même temps, Poutine, il dit que l'Europe décadente menace les valeurs traditionnelles. Chose qu'une Marine Le Pen pourrait dire elle aussi, et d'ailleurs, on connaît ses amitiés avec la Russie. Son programme pour l'élection de 2022 proposait, dans le volet défense, une coopération militaire avec la Russie. Et nous y voilà. Parce que, attention, jusque-là, j'ai exhibé quelques militaires parmi les plus énervés de la fachosphère, mais on n'a pas compté le nombre de plombiers, d'instits, de chômeurs dans ces groupuscules. Ça serait donc malhonnête de conclure qu'il y a plus de fachos chez les militaires parce que d'abord, on a posé la question à l'envers, et en plus, j'ai moi-même un ami plombier. Non, on pourrait poser la question autrement. Est-ce que, dans l'institution militaire, il y a des idées réactionnaires et discriminantes? Alors Pinar Selek, dans son livre « Le chaudron militaire turc », nous apprend que la caserne est le lieu d'apprentissage d'une masculinité hiérarchisée, en utilisant cette formule « devenir homme en rampant ». Mais c'est un autre sujet, j'espère qu'on aura l'occasion de le creuser prochainement. Mais on retient ce cas qui fait lien justement entre violence sexiste et idées réactionnaires. Fin d'année dernière, en Allemagne, à propos du 26e régiment de parachutistes de Zweibrücken, je vais citer un article du Monde qui nous dit ceci. Lundi 29 décembre, la publication de nouveaux détails dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung a relancé l'affaire qui était restée plutôt confidentielle depuis juin, lorsque des soldats de cette unité d'élite ont saisi la commissaire à la défense du Bundestag. Leur récit du quotidien à la caserne de Niederauerbach, où stationnent 1200 soldats, est sans appel. Deux points. Une bande y aurait instauré un climat mêlant idéologie néo-nazie, antisémitisme assumé et violence sexiste. Contenant 6000 pages d'accusations, le dossier ouvert par le commandement de l'armée de terre porte sur plus de 200 délits à caractère pénal et disciplinaire. Les investigations se poursuivent. À ce stade, 55 suspects ont déjà été identifiés, dont plusieurs sous-officiers, 19 exclusions de l'unité sont effectives ou en cours, et 16 dossiers ont été transmis à la justice, notamment pour usage de symboles anticonstitutionnels, le parquet disposant de photos de soldats lors d'une fête nazie. Ils posent en uniforme noir et brassard rouge. Des témoignages font état de référence à la Wehrmacht et de salut hitlérien. À ce volet idéologique s'ajoute une culture de la violence sexuelle. Les soldats du régiment décrivent des scènes d'exhibitionnisme, des agressions physiques, des propos pornographiques incessants et l'expression répétée de « fantasmes de viol » de la part de leurs collègues masculins et de certains supérieurs. Une fois que le scandale est éclaté, le ministre allemand de la Défense a bien été obligé de réagir. Il a d'ailleurs réagi très fermement. Je cite « Le fait que ces fautes n'aient pas été immédiatement reconnues et poursuivies avec la rigueur nécessaire est inacceptable. Cela doit être exclu à l'avenir. » Et le chef d'état-major, un autre, de l'armée de terre, lui, a annoncé un plan d'action, le voici, un plan d'action pour refonder la culture de commandement avec un renforcement de la surveillance hiérarchique et une éducation accrue aux valeurs civiques. Plus de surveillance, plus de contrôle et de sanctions. Vous voyez bien qu'eux aussi, à l'armée, ils luttent contre l'extrême droite. Là où on pourrait plutôt parler d'émancipation, de considération, d'écoute, ou d'en finir avec ces casernes. Mais bon, revenons aux institutions militaires françaises. Il y a plusieurs tentatives de sondage, mais jamais très probantes, la grande muette étant ce qu'elle est. Il y a aussi plusieurs scandales en France, hein, parfois documentés, comme à France Culture dans le podcast « Quitter l'armée ». Pour ce qui est par exemple des intentions de vote, un article du Monde d'avril 2021, donc c'est probablement en suivant de l'appel séditieux des généraux, hein, on se rappelle, il décortique une méthode originale de sondage de la Grande Muette. Dans cet article, les auteurs s'intéressent aux résultats des élections européennes et présidentielles, donc 2017 et 2019, dans l'autre sens, 2019 et 2017, dans des communes où il y avait précisément des camps militaires, donc où la population était, où il y avait plus de militaires dans la population. Et effectivement, eh ben, il s'avère qu'il y a des scores plus élevés que pour les moyennes alentour dans ces communes-là. Donc de 8 à 17% de scores plus élevés pour le FN ou pour le RN. En se basant sur quelques bureaux, comme ils disent, chimiquement purs, quelques bureaux de vote chimiquement purs, c'est-à-dire des bureaux où il y a exclusivement des militaires qui votent, les journalistes concluent, et c'est le titre de leur article, que 4 militaires sur 10 votent pour l'extrême droite, ce qui n'est pas peu, mais qui signifie aussi que 6 sur 10 votent autre chose. Et ceci fabrique pour d'autres journalistes, les journalistes de Blast, ceci fabrique des craintes. Si on croit à cet article de Blast, du coup, daté lui du 21 juin 2024, titré « Ces militaires qui craignent un gouvernement d'extrême droite ». Alors je rappelle, juin 2024, on est au moment de la dissolution de l'Assemblée. Hein. donc aussi au moment des législatives anticipées. Et Blast donne la parole à quelques militaires qui pointent trois sujets d'inquiétude. Dans le flot des témoignages recueillis par Blast, trois grands sujets et inquiétudes reviennent avec insistance. La question d'un éventuel renversement d'alliance militaire, deuxièmement, une possible désinhibition des franges les plus radicales, et enfin, l'assignation des soldats à des missions de police. Et du coup, je peux les développer un peu en utilisant les témoignages de quelques militaires, quoi. Donc, premièrement, du coup, le changement d'alliance. La candidate RN en 2022 s'engageait au retrait de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Elle annonçait également que serait recherchée une alliance avec la Russie sur certains sujets de fond, comme la sécurité européenne et la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est un changement des alliances, quoi. À propos de la désinhibition des franges les plus radicales. Alors ça veut dire, et ils le disent là, certains militaires le disent, qu'avec la poussée de l'extrême droite, le progressisme perd ses plumes. Là, c'est Fabrice, officier, qui nous dit « J'ai déjà observé une libération de la parole raciste ou homophobe dans les rangs », déplore ainsi Fabrice, officier marinier sur un bâtiment de surface. « Certains se sentent déjà poussés des ailes. N'en déplaise aux réactionnaires, on trouve sous l'uniforme des Noirs, des Arabes, des homos. Ils ou elles subissent déjà des discriminations, et ma plus grande peur, c'est qu'elles s'accroissent avec le sentiment d'impunité des intolérants porté par une victoire du RN. » Un autre militaire va dire « L'égalité homme-femme n'a jamais été leur cheval de bataille. » Alors eux, ils parlent des tradis. Du coup, ça va être dégradé ou d'autres soldats qui seront cathos tradis, quoi. Alors, l'égalité homme-femme n'a jamais été leur cheval de bataille. La liberté de culte non plus. Par petites touches, cela pourrait disparaître petit à petit. Pas dès le premier jour, pas frontalement, mais tout n'est pas sanctuarisé. Nous ne sommes pas à l'abri d'un rétropédalage. Par exemple, pourquoi ne pas simplifier l'administration en refusant simplement les transsexuels au sein de nos rangs ? Pourquoi continuer à aider financièrement les femmes de militaires à trouver un moyen de garde de leurs enfants alors qu'il suffirait de faire des économies en les gardant au foyer ? Voilà. Une soldate, Sophie, qui sert au sein de l'armée de l'air et de l'espace, ne fait pas la distinction entre sa place dans les armées et dans la société. Deux points. Regarder les discours de Bardella et l'entendre parler au nom des femmes tout en sachant que toutes les propositions de loi pour l'égalité homme-femme, l'IVG, les violences conjugales ne sont pas prises en compte, c'est frustrant. Voilà, donc ça c'est la désinhibition des franges les plus radicales. Et enfin pour les mesures de police, un autre soldat nous dira « Ça ne me plaît pas du tout de monter la garde aux frontières et de bloquer ou de capturer des pauvres gens. J'ai déjà pu le voir lorsque nous servons d'auxiliaires de police aux frontières pour traquer les migrants et les renvoyer de l'autre côté de la frontière espagnole pour à peine quelques heures. » Donc du coup, en fait, il y a quelques militaires qui se disent qu'avec une victoire du coup législative à l'époque du RN, ben en fait, ces trois types de changements pourraient advenir. Au point que du coup, certains soldats de l'époque se demandaient ben, s'ils allaient continuer dans l'armée, quoi. Et là, c'est Joris qui nous dit. Si la tendance se confirmait à la présidentielle, j'envisage une démission de l'institution afin de rester en accord avec mes convictions profondes et préserver mon honneur d'officier. Mon rôle est de défendre les valeurs de la République, pas de servir à une idéologie contraire à ces valeurs. Alors, pour celles et ceux qui ont l'habitude de cette émission, vous me voyez venir. Sur cette menace du pire qui fait accepter, voire défendre l'ordre actuel, c'est sûr que l'alliance avec les dictateurs, la désinhibition des valeurs réactionnaires et les tirs à balles réelles sur les manifestants, c'est pire que l'ordre actuel. Mais vous me direz, on n'arrête pas le progrès. Mais il ne faudrait pas oublier que la France fait déjà des alliances militaires avec des dictateurs. On pense à l'Inde, on pense à l'Égypte, on pense actuellement par exemple aux Émirats Arabes Unis. Alors je ne sais pas si c'est spécialement une dictature, mais par contre ce que je sais c'est que les Émirats Arabes Unis vendent des armes au Soudan et que c'est une guerre terrible qui fait rage là-bas. La France aussi, avec l'Europe, militarise ses frontières. Et ça, ce sera le sujet de la prochaine émission. La France enferme déjà des milliers de gens dans des CRA, dans des centres de rétention administrative, ou les enferme dans des procédures administratives éprouvantes. La France fait déjà une politique des visas injuste et raciste. Elle vote déjà des lois de surveillance et de contrôle hyper flippantes. C'est étonnant, non ? Prévoyez-vous À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi. Car sans ennemi, la guerre est ridicule. Comment reconnaître l'ennemi? C'est simple. Regardez bien. Comme vous le voyez, l'ennemi a des oreilles. Il n'est pas contagieux, mais il est héréditaire. Il est sot. Il croit que c'est nous, l'ennemi, alors que c'est lui. Et c'est lui qui le dit qu'il y est. Quelquefois, l'ennemi essaie de se déguiser en géranium. C'est le cas ici. Mais on ne peut pas s'y tromper. Tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes. Je suis fait. Étonnant, non ? Avant des proches, on parlait... C'est étonnant, non ? On parlait de directives hyper flippantes. Ça vaudrait le coup un jour qu'on se parle de nos peurs, justement, non ? La peur de l'autre, qui favorise le racisme, par exemple. La peur de l'ennemi, qui favorise l'union sacrée. La peur du fascisme. Il y a beaucoup de peurs intriquées. Mais heureusement, il y a Macron pour nous protéger ou pour protéger nos intérêts vitaux. Dans ce monde dangereux et instable, comme vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, pour être libre, il faut être craint. J'en ai la conviction. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale, et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. C'est donc un discours de puissance assumé au service de la paix que je viens vous tenir aujourd'hui. Ma responsabilité est d'assurer que notre dissuasion conserve, et qu'elle conservera à l'avenir, son pouvoir de destruction assuré dans l'environnement dangereux, mouvant et proliférant que je viens de rappeler. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. Mais pour être puissant, c'est le deuxième temps de mon propos aujourd'hui. Il faut être plus unis. Et vous êtes toujours sur le 895 d'audio dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste. Et vous avez reconnu la chanson de Dirt, Hiroshima, featuring Macron, car ça ne vous a pas échappé, il aime la liberté et les allocutions. Dans celle de lundi, précisément, à Brest, il nous parlait de ce qu'il appelle la dissuasion avancée, c'est-à-dire augmenter le nombre de têtes nucléaires, obscurcir encore le voile de secret qui entoure cette production, et aussi européaniser la dissuasion. C'est ce qu'il appelle être uni, et qui signifie éparpiller sur toute l'Europe des bombes atomiques. Des vecteurs. Enfin, je veux dire des rafales, quoi. Des rafales capables de riposter. Et puis la riposte graduée n'existe pas, donc c'est la destruction qui prévaut. Et cette négociation en cours, du coup, dont il nous parle dans son discours, se fait avec 8 pays. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark. Et on entend déjà que la Norvège souhaiterait rejoindre cette alliance nucléaire. Et cette alliance nucléaire viendrait s'ajouter à la dissuasion de l'OTAN. Vous me direz, qu'est-ce que cette info vient faire dans une émission sur l'extrême droite ? Est-ce que j'essayerai pas de relativiser les dangers de l'extrême droite en parlant de la bombe atomique ? Et malheureusement, non. Juste de dire que les choses s'ajoutent, malheureusement. Il y a l'extrême droite et les bombes atomiques. Il y a l'extrême droite et l'extrême centre. Youpi, joie de vivre, comme on disait. Et d'ailleurs, d'après un article du Monde, ça serait justement à cause des possibles victoires du RN en 2027 que l'Allemagne veut accélérer ses négociations pour verrouiller un maximum de choses avant que l'extrême droite ne les empêche par souverainisme ou repli sur soi. Au passage, Mélenchon aussi veut sortir de l'OTAN. Alors, je voulais citer l'article du Monde qui s'appelle « L'européanisation du parapluie nucléaire français, un projet de moins en moins tabou chez beaucoup d'alliés ». Donc c'était avant le discours de Macron. Et alors dans cet article du Monde, on peut lire ceci. « L'empressement allemand s'explique par la dégradation des relations entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi par la perspective de l'élection présidentielle française de 2027 qui effraie à Berlin. L'objectif est d'avancer le plus vite possible pour qu'il ne soit plus possible de faire machine arrière, même en cas de victoire du Rassemblement national », explique Claudia Major. Le parti d'extrême droite est en effet farouchement opposé à tout ralliement de la France à des groupes de plans nucléaires de l'OTAN, l'instance de l'Alliance qui permet d'échanger dans le domaine de la dissuasion. Et alors, Claudia Major, elle est vice-présidente du German Marshall Fund. Et du coup, elle nous explique ceci, comme quoi l'extrême droite, même pas encore au pouvoir, elle amène à accélérer plein de trucs, quoi. Aussi, une fois qu'on a... Donc on parlait de la peur, hein, on parlait de réfléchir à ce que nous fait la peur. Et aussi, en entendant des bouts du discours de Macron, on s'interroge sur un autre terme que peut-être vous allez deviner si je fais ça. Ça pourrait être une ouverture avant de passer aux actus. Un terme qui est commun à l'extrême droite. Un terme qui est commun au nucléaire. Et aussi au discours de Macron, c'est la puissance. Et ouais, à la fois recherche de puissance masculiniste ou suprémacisme, mais aussi la puissance technique. Et à tout ça, peut-être qu'on pourrait opposer le raisonnement fin, la dialectique, l'altruisme, le dialogue, l'amitié et la non-puissance.

On est de retour sur Dio, sur le 895 de Radio Dio, dans l'émission antimilitariste J'irai pas. Et je suis avec Guy au téléphone. Normalement, tu m'entends ? Je t'entends très très très bien, Dédé. Ok, salut Guy. Aux auditeurs, ça va ? Ouais, ça va bien. Ah, c'est un peu trop fort, vas-y. Ouais, et tu nous appelais pour nous dire un poème, il me semble. Oui, exactement. Au travers des lectures sur Internet, je suis tombé sur un poème d'un auteur qui s'appelle Paul Vallée. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement. Il a une biographie assez intéressante, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, il y a le poème qui c'était sur le site, pour ne pas le citer, lundi matin, que je lis parfois. Je suis tombé dessus et j'ai trouvé... inspirant d'une certaine manière et je trouvais que ça pouvait être bien de le déclamer ou en tout cas d'en faire part aux auditeurs et aux auditrices. Allez, ben on va le découvrir ensemble alors. Donc a priori il s'appelle Refus d'obéissance. Refus d'obéissance. Loi mal partie des maisons malveillantes qui se frayent mauvais chemin par toutes les complications factices. Refus d'obéir à ceux qui touchent aux chiens dents de la vie du matin au soir et qui n'en finissent plus. Refus d'obéir à l'impuissance et chapeau bas devant les képis et les casques. Je refuse d'entamer le travail de nulle part pour mille parts avec uniquement pour matière d'exister 3 sourires par an et le reste gros de larmes. Je refuse tous vos oui, tous vos non pour la moindre construction prénatale, postnatale. Tout l'Orient, l'Occident des fourmis volantes, je le nie. Je refuse d'accepter ce qui me contemple avec haine et vilaine compassion. Infirme, je le suis. Mon cerveau est malade. Je refuse vos remèdes et vos trous, vos égouts et vos bancs des hospices. Je refuse d'être valide pour vos camps de vacances, vos exigences, vos indulgences. Non, je dis et répète à vos sociétés, des nains aux piqûres pour grandir et grossir et sauver votre crasse de la mort. Il fut un temps où j'obéissais en bonne et due face. À présent, c'est fini, englouti dans le cloaque du mal-être. Tout finit par finir, disent les sages d'Octopeur d'ennui. Tout guérit pour maudire, disent les mages et les prêcheurs. Je refuse d'être couché quand je veux être debout. Je refuse d'être debout quand je veux être couché. Je refuse la tenue. Je refuse poésie cul de poule. Accepter, c'est crever. J'aime le vent et le sang mauvais temps. Et tempête, et la mer démontée, et la terre ravagée par vous autres acceptants. Contre le ciel, je ne puis rien, je refuse refuser. Mais pour ce qui reste, je refuse d'accepter. Je refuse tête haute et tête basse, et les doigts crochus, et les reins épuisés. Je refuse d'obéir aux lois de la ville pénicrote, multibotte, unifrotte. Je refuse d'obéir à la mort trop humaine par grenades, embuscades, croisades. Fou, je le suis. Dur, je le suis. Je refuse d'obéir au malheur d'exister. Je refuse d'obéir à l'obéissance. Ouais, il est bien dynamique ce texte. Pardon, t'avais fini ? Oui. Bah, c'est cool, ça donne envie de le retrouver. Pourquoi pas de le tracter, quoi, de l'imprimer. Ça fait du bien la poésie un peu. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Ça fait beaucoup de bien. Yes. Bon ben. Et ben, merci beaucoup. Bah merci à toi Dédé et puis merci aux auditeurs et aux auditrices et bonne suite d'émission. Yeah, on va passer un peu à l'actu qui n'est pas très refusante, mais il y a quelques petites dates dans l'agenda qu'on va proposer. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt. Salut. Et donc nous revoilà sur J'irai pas l'émission. Antimilitariste sur Radio Audio. Et avant de passer aux actus, et peut-être parce qu'on était dans la poésie, peut-être qu'il me reste le temps.

terrible. Alors, toutes les armes sont terribles. Mais du coup, celles-ci, ils avaient pris des engagements pour les interdire. Et ils reviennent dessus face à la menace, quoi. On parlait de la peur et de ce que la peur nous amène à faire. Et un pays qui connaît bien les mines, puisque l'Ukraine aussi s'est désengagée du traité d'Ottawa. La Russie, elle, ne s'était jamais engagée là-dessus. Récemment, pour les 4 ans de guerre en Ukraine, il y a pas mal d'articles qui sont sortis, et notamment certains qui disent que l'Ukraine est maintenant le pays le plus pollué du monde, avec tous les explosifs, les obus et les mines, justement, qui ont pété ou qui n'ont pas pété. Ça fait de l'Ukraine un des territoires les plus pollués du monde. Et à l'occasion aussi de ce triste anniversaire des 4 ans de guerre en Ukraine, il y a ça s'appelle le Center for Strategic and International Studies, qui estime à près de 2 millions le nombre de personnes tuées, blessées ou disparues dans la guerre en Ukraine. Et elle estime qu'il y a à peu près un demi-million de soldats tués, 325 000 côté russe, 140 000 côté ukrainien. Alors on sait que le nombre de victimes, hein, le nombre de mortes ou disparues, c'est un secret pour n'importe quel État qui est en guerre. Mais du coup, ce centre-là ne peut faire que des estimations, quoi. Voilà. Donc ça commence à être un conflit hyper meurtrier. Et voilà, 2 millions de personnes victimes de guerre, quoi qu'elles soient tuées, blessées ou disparues. Une autre info plus locale qu'on nous a soufflée, c'est le LARIAD. Connaissez-vous le LARIAD, le Laboratoire de Robotique Militaire ? Un article du 21 février nous en parle, sur un ton bon enfant comme ça. Ce n'est pas tous les jours qu'une grande école d'ingénieurs et une agence gouvernementale décident de fusionner leurs cerveaux pour préparer le champ de bataille de demain. Cette semaine, avec une communication du ministère des Armées vendredi, les deux entités ont officialisé la création d'un laboratoire commun baptisé LARIAD, dédié à la robotique et à l'intelligence artificielle de défense. Et ça, ce sera sur le campus de l'ENSTA à Palaiseau, que le directeur de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, on le connaît, on en a parlé, il s'appelle Bertrand Rondepierre, directeur de l'AMIAD, et le directeur de l'École nationale supérieure de techniques avancées, la directrice pour le coup, Estelle Iacona, ont signé la création de ce super laboratoire. Et au sein de ce laboratoire, on va parler IA, robotique et surtout défense, donc armée. La couleur est annoncée. Et enfin, dernière actu nationale et internationale, on n'a pas parlé jusqu'à présent de ce qui se passe en Iran. Moi, j'ai du mal à comprendre tout ça. Je sais que le porte-avions Charles de Gaulle est parti pour arriver en Méditerranée orientale pour s'engager dans une logique, citation de Macron, strictement défensive. Donc apporter un porte-avions avec des rafales en mer Méditerranée. Je crois que ce porte-avions, il était vers la Suède jusqu'à il y a très récemment. C'est une déclaration de Macron. Donc la France ne rentre pas en guerre. Hein. La France rentre dans une logique strictement défensive. Et notamment, pourquoi ? Parce qu'elle a une base militaire au moins aux Émirats Arabes Unis qui s'est fait toucher par des tirs de l'Iran. Et on rappelle, j'en avais déjà parlé, que les Émirats Arabes Unis sont un allié de la France et aussi des bons clients, quoi. Et quelque chose que j'avais envie de souligner, parce que tous les chefs d'État ne sont pas dans une logique strictement défensive avec des gros, gros porte-avions, les plus gros du monde et des avions de chasse. Une citation, une fois n'est pas coutume, on peut citer un autre chef d'État qui s'appelle Sanchez et qui est le président de l'Espagne, qui exige la cessation des hostilités, et le mot approprié est bien exigé. Cette crise nous affecte et nous demandons à toutes les parties, les États-Unis, l'Iran et Israël, de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. On ne peut pas répondre à une illégalité par une autre. C'est ainsi que commencent les plus grandes catastrophes de l'humanité. Nous condamnons le régime iranien qui réprime et tue brutalement ses citoyens, en particulier les femmes, mais nous rejetons en même temps ce conflit et appelons à une solution diplomatique et politique. Et je crois qu'il aurait dit non à la guerre et non au bombardement, qui est assez étonnant de la part d'un chef d'État et que moi j'avais envie de souligner, quoi. Voilà pour ce qui est de quelques actus nationales et internationales pour clore cette émission. Et peut-être qu'on peut la terminer en parlant de l'actu ultra-locale. On a ouvert cette émission en parlant du 8 mars, une date à ne pas oublier, à célébrer. Et il me semble, en consultant le site lenumérozéro.info hein, pour parler des actus locales sur Saint-Thé, on trouve pas mal de choses. Et là, il semble qu'il y a un rendez-vous le dimanche 8 mars pour célébrer... Ah non, alors ça, c'est une balade en vélo. Mais alors peut-être que... Ouais, c'est une balade en vélo, départ à 14h30, place de l'Hôtel de Ville. Et cette balade, elle s'appelle Femmes, Filles et Compagnie 2026 pour célébrer la diversité des usages du vélo. Mais il me semble qu'il y aura aussi une manif féministe quelque part. Elle n'est peut-être pas encore notée. Mais c'est dimanche et... on prendra note du rendez-vous quand il y sera. J'avais noté aussi le 14 mars, alors là je vais lire le tract. Le samedi 14 mars, revendiquer la liberté dans la révolution et la guerre au Soudan. Ça se passera à la Gueule Noire, 16 rue du Mont à Saint-Thé. Ça commencera à 12h30 par un petit resto vegan, prix libre en soutien à des anarchistes soudanais et soudanaises. Et à 15h, c'est écrit en petit, on commencera à l'heure. Présentation de la situation au Soudan. Visio avec Fawaz, compagnon du groupe anarchiste au Soudan. Traduction simultanée de l'arabe ou de l'anglais vers le français. À la Biblie Lérissé qui se situe à la Gueule Noire, 16 rue du Mont. Et j'imagine que s'il y a écrit 15h, on commencera à l'heure, c'est pour les besoins de la visio, justement. Donc, fixer un rendez-vous à l'autre bout du monde avec quelqu'un, peut-être que c'est bien d'y arriver à l'heure. Voilà pour une date, on va dire, pour parler des guerres et de ce que font les guerres dans différents pays. Et j'avais entendu que le 26 janvier et le 26 février, il y avait eu une réunion publique antimilitariste. Et du coup, je me suis noté qu'il fallait que je garde un œil pour savoir si, par hasard, le 26 mars, il n'y aurait pas aussi une réunion publique antimilitariste. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé d'infos. Donc, on ne sait pas, mais on pourrait garder un œil ouvert pour voir si le 26 mars, il y a bien une réunion publique antimilitariste. Et on arrive à la fin de cette émission qu'on peut clore, comme d'habitude, en disant « Ah bah l'armée, vive l'amitié, ah bah la guerre et vive la lutte !» L'un c'était Jim et l'autre c'était John, leur sergent c'était George Carson. Au régiment, peu importe d'où l'on vient, si l'on marche, tout va bien. Le canon tonne, non pas raison. Du gauche au malabar, chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin, ni plus tôt ni plus tard. Que l'ennemi soit blond ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Johnny trouvait le whisky fat et Jimmy avait le ventre bien malade. Alors George, il est pris par les bras, tous les trois en avancera ou en crèvera. Ah, ah, ah, ah. Du gauche au malabar, chaud ou froid, soif ou faim, la mort vient à la fin. Ni plus tôt ni plus tard, que l'ennemi soit blanc ou noir, cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir. Jim fut tué, John a trouvé la mort. Georgie de son dernier sommeil d'or. Mais pour la guerre, on trouvera